بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازي ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في الشرح الصلاة الغيبية في الحقيقة المحمدية في الحقيقة الأحمدية، قوله التالي السبع المثاني، يعني أن السبع المثاني هنا هي فاتحة الكتاب، وهي في تلك الحضرة لا تعرف ولا تدرى، إنما هي في ذلك المقام عينها. الله لا أخير الله الله أه؟ الله الله حقاك يملا الحمد لله. أيوة دونك في جوتاي بي ويسو نيغي يامون في وخيني yenenti bi sallalahu alayhi wasallam wala mihrab aynaha alhuwiyya moy mihrab fini julé wala moy ci kanam fi imam bi di taxaw nan lañ ci waxe ci bok mihrab la comment on appelle la usme l'imam pour la prière pardon la usme l'imam pour la prière ça s'appelle comment en français? Ah, je sais pas. Voilà. En fait, mihrab, donc, c'est un mot qui vient de harb, qui signifie la guerre. Voilà. Et que donc, on l'appelle mihrab, vu que c'est là où on se met pour faire la guerre, combattre. Pour aller de plus en plus envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et on combat également Satan à travers, c'est-à-dire que par rapport à ce lieu-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon moi mihrabi, c'est lui qui, c'est-à-dire que c'est le serviteur par excellence dans le mihrab du ha, du huwa, c'est-à-dire de Allah subhanahu wa ta'ala en tant que huwa. Mon yalla, voilà, bim nek, voilà. Huwa c'est-à-dire qu'en tant que lui manam mom moy mom yalla et la hadara bobu c'est-à-dire que cette présence là cette sphère là il y avait lié c'est-à-dire que c'est une présence ineffable inaccessible intangible voilà imperceptible et, mais de manière totale donc fofu bien avant la création Allah subhanahu wa ta'ala il y avait que son essence voilà. Donc ça veut dire que c'est bon il naka djek ça veut dire il dafa am ay essence même son essence et ses attributs voilà mais fofu ci hadara bobu mom yentibi sallallahu alayhi wasallam c'est-à-dire hadara bobu moy hadara c'est la présence voilà et la présence divine hein? Voilà fofu prophète sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa jamu dafa nekkone ci di manam yalla dafa nek ko xam ci dafa inaccessible ça veut dire que ci hadara bobu donc hadara tams wal ama moddi manam moy hadara bi nga xamantene dañu far lepp c'est-à-dire que tout est intangible tout est inaccessible mais de manière totale et que voilà et que donc parti fofu nonou yent bi nak sallalahu alayhi wasallam mom kessé mo doon jaamu yalla ci hadar bobu mais lolou mom motax ñu leen ko aynuha c'est que c'est lui même l'entité même du ha de huwa c'est-à-dire que du caractère d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant huwa voilà comme étant lui voilà c'est-à-dire que quand on dit lui huwa c'est pas que il y a ni nom ni attribut ni attribution ni c'est-à-dire qu'il y a aucun caractère qui est lié par rapport à ce statut d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant huwa. Voilà. Voilà. Donc, lol, voilà. Et ce voilà, c'est beaucoup de choses font ce bruit-là, même dans la vie, quoi. Voilà, exactement. C'est tout le temps crié par la vie, quoi. Voilà. Salam le prophète. Tu sais, j'ai même tendance à parler français. J'ai tout à l'heure non parler français. Bon, légui. Hamza. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à parler français. Parce que tellement je suis dans la lancée, quoi. Surtout. Mais bon, on va essayer de parler wolof parce que c'est court, c'est en wolof. Borom bi kon subhanahu wa ta'ala en tant que manam le fait que mom mu nek huwa c'est à dire lui mom le prophète sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo nekone ci mihrab bobu di jaamu yalla en tant que huwa ba pare et en même temps comme dafa nekone fu ko xamantene yalla dafa manifester wu ci mom et à travers mom ça dit en lui et à travers lui hein ki hadara bobu motax mom moy l'entité même de ce ha lol motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam avant la création et avant et totalement avant la création hein, dans la pré-éternité même hein le prophète sallalahu alayhi wasallam dans cette réalité ahmadienne c'est-à-dire que donc fof haqqatul ahmadiyya mi ngi tuddu ha non la tuddu parce que c'est voilà là ça s'écrit là dans voilà tu vas le jeter là voilà sallallahu alayhi wa sallam et que voilà donc nous délu sur cette question bi voilà parce que lors aussi c'est important moi mais qui en fait chaque yaqut al haqaiq dafani sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu wa ta'ala bi dafani yelennti bi sallallahu alayhi wasallam dafni hadara bob moy hadaratu tams wal amal moy hadaratu al amal ula hadara bob yalla manifester wu ci manam defu ci tadjali defu ci manifestation par rapport à kenn alors que fini bo xolé da ngay gis ne day tuddu aynha parce que fi haqiqatul maintenant haqiqatul ahmadiyya lañuy wax alors que fele haqiqatul muhammadiyya la doon wax en fait c'est parce que sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu atra c'est à dire que le prophète sallalahu alayhi wasallam parce que xam nga yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamné moy wax ci l'adminu sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu c'est le prophète sallalahu alayhi wasallam qui parle à travers la langue de sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu donc lool mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam donc bimi wax manam bi sirah bi radhiyallahu don wax jele daf ko don wax mi par rapport à la réalité muhammadienne c'est que haqqatu muhammadiyya la don waxe ci cadre bob maintenant alors que fi da fay wax ci cadre haqqatu ahmadiyya qui est inaccessible par rapport à quiconque hormis le prophète sallalahu alayhi wasallam même les autres prophètes même yenen prophète yenen ti yalla sallalahu alayhi wasallam amuñu accessibilité par rapport à la haqqatu ahmadiyya par rapport à la réalité Ahmed. Ni les flux, ni les lumières, les dons, etc. Les sciences et connaissances gustatives, sensations spirituelles, tout, hein, amounouk, les effusions, voilà, etc. Moi, fou, yoda, t'es gay. Oh, Allah. Donc, yenenbi sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'Ahmad, moy wax ci lamine sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu fi alors que fele yenenbi sallalahu alayhi wa sallam en tant que muhammad sallalahu alayhi wa sallam mo don wax ci lamine sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu donc c'est ça lool mom mo indi différence explication bi nga xamantene mom mo nek fi ak mo nek fele ce qui fait que ñi nga xamné ñoy akabirul arifina ponkalu ñi nga xamné way nand la ñoo xam yalla deug ñoon Allah suñuy wax ci cadre beulé lañuy waxé moy cadre biñ doon wax ci yaqul haqa alors que fi benen affaire benen cadre moy haqqatul ahmadiyya mais même so xol haqqatul yaqul haqa da ngay gisé rahmatou janna dalan li ci wax ay mbir yo xamné haqiqatan dafa concerne haqqatul ahmadiyya yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamne dañuy nekk ci biir Sir Ahmed Tidiane amin rabbi allah radhiyallahu anhu di gis ak beutam di déggé ak nopam di xalaaté ak xalaatam manam à travers mom ñuy xalaat à travers mom suñu xol bi yek à travers mom parce que lolu daf lay permettre ngay am accès ci sa réalité ahmadiyya ma sha Allah yalla ñu yalla defal amin ah Allah Allah en fait lool mo waral cheikh lool mo yent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nek haqqatu muhammadiyya ni nek haqqatu muhammadiyya dafa apparent en fait les arifs yu majji les grands connaissants ñom dinañ am luñu xam bu baax ci haqqatu muhammadiyya parce que haqqatu muhammadiyya moy aduna moy univers c'est l'univers en fait cette réalité muhammadiyya c'est l'univers et c'est lui-même sallallahu alayhi wa sallam mom moy ruhu univers c'est l'esprit de l'univers la le cette réalité muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam mais motax ñi nga xamné ñom ñoy arif yu magi mais ñu mag ñe mag la wax mais vraiment ñu mag ni ñom dinañu xam kan moy dinañu am un aperçu à peu près net ci haqqatu muhammadiyya parce que aussi daño lan jeex ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ils ont réalisé l'extinction le prophète la réalité muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam le prophète sallallahu alayhi wasallam donc c'est pour ça ñom ñu xam accès ñu xam cette réalité muhammadiyya mais réalité muhammadiyya bobu dafa am aussi ben côté bu occulte bu neubatu bu laqatu complètement moy le très fond du très fond laqatu encore ci biram et que lolu partie bobu mom la Sid Ahmed Tidiane rabbi yalla incarné d'ailleurs du le prophète sallalahu alayhi wasallam est apparu en tant que Muhammad sallalahu alayhi wasallam et que mom moy tour bi gëna siw ci touram yi c'est son nom le plus célèbre et le plus connu du commun Muhammad sallallahu alayhi wasallam and that c'est un nom batinique en fait prophète le Muhammad sallallahu alayhi wasallam c'est pas du tourum bu zahir tourum bu zahir c'est Mahmoud Mahmoud moy tourou zahir yerente bi sallallahu alayhi wasallam c'est son nom exotérique son nom ésotérique occulte c'est-à-dire que dans l'intimité c'est Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais l'intimité de l'intimité c'est-à-dire que le tourum bi gëna laqatu occulte dans l'occulte mon moy Ahmad mom la yent yalla c'est pour ça le prophète Isa alayhi salam Jésus alayhi salam ismuhu ça veut dire je man len di wax né il y aura amna ben yenente bu ñew après et il a dit son nom c'est Ahmad parce que mom mi ngoy waxé dans la présence de l'occulte inaccessible dans cette présence là et parce qu'il n'était pas encore apparent. Inconnu, méconnu de tout, de tous, mais connu à travers les générations, parmi les prophètes alayhi salam et le peuple. Donc, koku moy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Donc, lolou mom motax mune Ahmad. Et que mais Ahmad bobu ñuy wax mo nek le très fond même, ça veut dire que l'intérieur, l'intimité même de l'intimité de cette réalité Muhammadia. Donc c'est la réalité Ahmadienne fo xamantene mom gis nga fi lay wax aynha huwiya, ça veut dire que c'est l'entité, moy entité de cette ha là, de ce qui caractérise Allah subhanahu wa ta'ala en tant que huwa, lui. Et Ahmad Bobo, le professeur Sam n'est pas apparu dans ce monde par ce nom, par ce, c'est-à-dire que auprès du commun, hein, là-bas, par cette caractéristique-là. Mais, parce que là, c'est très occulte. Da fa laqatu nebeut day ak laqatu motax kenn amu ci accès mais xam nga biñi def shurut tariqa bi amna ci benn parti bo xamne à peu près ci loolu lañ ko consacré won d'ailleurs ci exposé biñu défone sur la corrélation entre la salatul fatihi et la prière, les 5 prières quotidiennes. Parce que pourquoi la salatul fatihi, pourquoi salatul fatihi lan motax mu gën yenen julli, pourquoi? Parce que en pensant que c'est le fait que c'est haqq qadr yi wa miqdar lazim kokou, c'est mais une vision extrêmement limitée de penser que c'est juste parce que après on va dire oui par le degré de sa haute dimension etc, hein? son degré ultime et sa haute dimension langam que nous mon motax ñu né voilà que ha salat fatihi mo gën yenen salat wala nabi juste à cause de ça, non, parce que lolu c'est une vision né tellement limitée que su doon lolu kessé la salat benamay jël yenen salat wala nabi yeb bu mako jéxal mo né haq qadri nak da razi mu tolo salat fatihi. Mais affaire bi du lolu, il y a salat fatihi, il y a 5 versets qui sont dedans. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima khalaq wal khatim lima sabaq nasik al-haq bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala ali haq qadri maqdara. Et ces 5 versets là ben bu ci nek dafa am lu mu représenter en corrélation avec la prière, les 5 prières quotidiennes, mais que hein. Lolo, j'ai fait un exposé en fait sur la salatul fatihi sur ma page Facebook. Si vous allez là-bas, vous allez voir. Et qui dit quoi, j'ai fait la corrélation à un moment donné sur la salatul fatihi et la prière. Voilà. Et là, tu disais que du coup, il y a cinq vers, que les cinq phrases de la salatul fatihi correspondent aux cinq prières. Non, correspondent à d'autres choses. C'est-à-dire que le Muhammad. Parce que la prière, parce que l'homme, l'être humain, en tant qu'être humain, et quand il est debout, quand il fonctionne, c'est-à-dire en tant que musulman, mécréant ou autre chose, il a la forme de Muhammad. Ça ressemble à sa forme. Il est décrit comme étant Muhammad. Et englobe donc tous les. Et donc, c'est-à-dire qu'il a une forme qui est prédisposée à recevoir la manifestation et de l'essence et des attributs des noms et des attributs divins. Voilà, donc lol mom moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Donc mais il réalise concrètement le fond même et la quintessence même de cette réalité Muhammad, c'est-à-dire la réalité Ahmadienne, quand il fait la prière. Donc quand il est debout, c'est comme un alif. Et quand il fait l'inclinaison comme ha, c'est Allah quoi. Hein? C'est Allah finalement que les aussi la position de la prière. Plutôt Ahmad. Ok. Quand il est debout. alif sous inclinaison moy roko comme le ha et quand il se prosterne c'est comme le mim et quand il est assis c'est comme le dal et ça fait ahmed et donc il incarne à travers cela la réalité ahmed. Voilà, bon, on a fait un développement par rapport à ça et en corrélation avec la salle parfaite. Et d'ailleurs, et chaque lettre, il puise, c'est-à-dire que quand il est dans cette situation-là, il puise des océans de lumière et de secrets intarissables à travers ces lettres-là. Et ce que cela représente réellement, bon réellement, entre guillemets, parce que nous, on a un bas niveau. Par rapport à ça. Mais voilà. Donc, lolo quoi. Et donc, fofu. Une fois, donc, gissone nañ li lolo di représenter. Donc, nga giss Ahmed. La réalité Ahmed. Ni mu foré par rapport à la réalité Mohamed. Est-ce que tu peux écrire Ahmed? Est-ce qu'on peut l'écrire en arabe pour que je vois? Oui. Donc, on voilà. Est-ce que c'est dans tous les coquillages? Non, ça c'est Mohamed. Dans tous les coquillages. D'accord. C'est Mohamed qui est écrit. Voilà. Ah bon? Coquillage, même si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. C'est coquillage, vous avez vu tout ça. Voilà. Mais Ahmed, c'est ça. Donc, quand on est là, il y a le A. Et après, quand on a fait l'inclinaison, c'est ça. C'est A. Ça, c'est H. Voilà. Donc ça fait comme ça. Et il y a maintenant, comme le ha, le mime, c'est quand on se prosterne. Donc on a cette forme de mime. Et quand on s'assoit, oui, c'est en forme du dal. C'est-à-dire que quand on s'assoit, on s'assoit comme ça. Voilà. On est comme ça. Quand on se prosterne, on est comme ça. Quand on est plutôt comme ça. Et quand on est debout, on est comme ça. Tu vois? Voilà, alhamdoulillah. Voilà. Donc, voilà. Donc, lol mom moy la réalité, réalité ahmedienne et la réalité mohammedienne. Donc, mais et que la prière djulli, la prière mom moy jaamu yalla bi gëna mag. Moy l'acte de culte, moy culte bi gëna mag. La plus important. Moy aussi jaamu yalla bi gëna am solo. Moi, tamit d'ailleurs li représenter ça que mom ci jëmm bopum en tant que tel rek da représenter jamm yalla ça aussi lool tamit développer won nañ ko biñu tollé ci surout et yoyu bon donc on va pas en revenir mais fiñ doon ñew moy né Ahmed bobu c'est Ahmed là donc qui est insinué et qui n'est pas c'est à dire que palpable ci yu bare bare ci manam ci bitini surtout ci walu sharia bek yoyu parce que et surtout aussi kenn amu ci won accès avant dafa réapparaître en la personne de Sidi Ahmed Tidiane. D'ailleurs, d'où parce que c'est le secret même du fait que Sidi Ahmed Tidiane, il ne se nomme pas Muhammad, mais plutôt Ahmed. Et que Ahmed, c'est Ahmed Tidiane, après, il y a beaucoup d'autres choses qui le concernant, il se crée, même si tu vois certains versets, certains du Coran, certains, ou les poids mystiques, quand Ahmed Tidiane, ils sont croyés, ça te donne Ahmed Tidiane, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses, mais l'ordre de son nom, d'objectif, de taille. Mais c'est juste correct pour voir. Pourquoi Sidi Ahmed Tidiane Delano, malgré que la Haqqatul Ahmadiyya, nek lo xamantene normalement ken amu ci accès et que mom muy wax ci Haqqatul Ahmadiyya, c'est parce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui-même l'intérieur même, le côté occulte du prophète sallalahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Mais yoy aussi c'est d'autres réalités, hein. Et d'ailleurs pourquoi on l'appelle le pôle caché ou le pôle occulté? C'est al qutbul maktoum, parce que sa station est occultée et cachée de tout le monde à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Dengo kon yenté bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam lolou mo indi Seyd Ahmed Tidiane radi Allah te lolou moy haqqatul ahmadiyya. Légui nak yenenti bi nak sallallahu alayhi wasallam ku donc ci fofu nonu hadara bob ha qawluhu wax jimu wax ne nak at-tali mom moy aji jang de saba ñet al-masani yenu ba muy xam nga saba al-masani moy suratul fatiha mu lañ wax saba al-masani les sept répéter saba al-masani voilà la sul fatiha donc mom moy jang jurom ñaar yoy nga ma wax dañ leen di baam wat donc dañ ko duñ ko tuddé saba al-masani parce que ndax borom xoxoy rahmatullah alayhi haqiqatan dañuy am ay wax yu wuté ci lan motax ñu tuddé fatiha saba al-masani ñu né ndax al-masani borom xoxoy rahmatullah alayhi ñen ñi dañ ni dafa tuké ci as-sana'u bi tek tag parce que le fait que suratul fatiha tagge té mu nek jurom ñaar aya c'est sept verset di tag borom subhanahu wa ta'ala tagge bakku bu yépp nek ci bir donc lolu mom motax ñu tuddé ko saba al-masani donc l'éloge il y a les éloges dedans toute forme d'éloge vers Allah subhanahu wa ta'ala et aussi l'incarnation de ceci de du serviteur voilà donc lolu bon donc lolu ben opinion la ben gis gis la ben avis la ci né lolu motax ñu tuddé ko saba al-masani amna benen mom moy le fait que mu nek lo xamantene dañ koy répéter sa ñuy julli chaque julli da ngay wax da ngay tari fatiha ñu tuddé ko kon lay jurom ñaar ay yoy nga xam dañ leen di répéter voilà benen bi ci dess ñu né mom moy né parce que fatiha ci jëmi bopam dafa am jurom ñaar yo xamantene dañ leena répéter fofu c'est à dire que dans même la sourate al fatiha il y a sept choses qui sont répétées deux fois parce que sami voilà ma sami gis nga voilà au moins ça veut dire que ñom ñaar ñep ñew nañ fi ay wa jappal Allah ñew na ñaar yo deux fois Rahman mu ñew deux fois parce que na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin arrahman deug ala Allah moy bismillah alhamdulillah mu deux fois Rahman rahim ñew na tamit deux fois iyyaka iyaka iyaka ihdin sirata sirata donc iya Allah rahman rahim la iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata mustaqima sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim muysis et le noun de ta'zim c'est-à-dire que le noun qui montre non de noun bi nek ci nabudu ak nastaim voilà c'est nous nous voilà c'est voilà c'est il y a que toi que nous adorons et nous voilà voilà donc ce set là moy donc djourum ñaar yi nga xam dañ leen ñu tuddé ko sawal masal lool tam téne bi ci voilà hein Les sept redoublés, c'est ça quoi. Voilà. Bon, ça ce sont des avis. Là, je suis en train de donner les avis, les opinions. Donc, la première opinion, c'était le fait que il y a l'éloge, parce que le masani, donc, là, vient du mot sana, qui signifie éloge. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce sont des versets élogieux. Voilà. Et donc, ça c'est bien avis là. Deuxième avis, c'est le fait que qu'on les répète tout le temps dans la prière. Voilà. Voilà, troisième chose. Pardon, du coup, dans le Coran, est-ce qu'il est bien dit ça? Nous avons fait descendre tout toi, les sept redoublés. Oui. Et c'est la Fatiha. Oui. C'est la Fatiha. Et le Coran, le Coran sublime ou magnifié. C'est ce Coran là, c'est aussi la Fatiha. Voilà. Fatiha la bataille. C'est-à-dire que subhanallah rabbi, la Fatiha, tu vois comment elle est grande, elle est énorme la Fatiha. Parce que mom ci jëmmé bopam, c'est mom moy elle est appelée le grand Coran sublime. Mom juste la Fatiha est appelée le grand Coran sublime. Allah Al-Qur'an bu mag bi ma Fatiha. C'est-à-dire que quelqu'un qui récite la Fatiha, c'est comme s'il a récité le Coran en entier. Et il y a un hadith qui dit qu'il a récité 10 fois le Coran, juste la Fatiha. Et dans la tout le Coran, d'ailleurs tous les autres livres révélés sont dans la Fatiha. Voilà. C'est ça la réalité de la Fatiha. Là, et que fille, mais il y a une autre réalité qui est encore plus sublime, qui est plus grande, plus magnifique encore. Mom lay wax ni, c'est-à-dire que il y a les 7, celui, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Seyna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dans cette réalité Ahmadiyyan, et Mohamedien aussi, a été quelqu'un, c'est-à-dire que dans cette réalité Ahmadiyyan, et dans ce mihrab-là, mi xarab bi mu nekkon mom da doon jaamu yalla mom kesse et que mu ne et en mettant le récitateur des sept répété des sept redoublé mom la en fait parce que quoi pourquoi en réalité c'est la Fatiha qui est en elle-même non seulement toute la parole divine mais aussi la réalité Ahmadiyyan et Mohamedien en même temps. C'est ça aussi. Et on verra que les 7 répétés là aussi, les 7 redoublés, il y a les 7 attributs inhérents à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que moi, les 7 qui ont amené, il faut que je le fasse. Parce que yoyu cette lañ yo xamantene naturellement on doit savoir que yoy non yalla amna ko moy jurum ñaar ay yoy té xolo amna ben téré buma tambalé wona bindé mo tuddé ko fatḥu zil arshil majid fi ba'd ma tadammamahu sab'u al masāmi min masā'il al tawḥīd ça fait voilà, c'est un livre que je vais commencer à rédiger. Et c'était surtout pour mettre en évidence que le tawhid, la cette science de l'unitude, yep, ngi ci sourate Fatiha. Et que dañ ci nek de manière mais extraordinaire. Dans son ensemble, tous, comme nous avons fait, Inch'Allah. Voilà, donc, mon YouTube 2, c'est ça. Je l'ai nominé. Les illuminations du détenteur du trône magique, glorieux, voilà, du trône glorieux, sur quelques. Éléments, voilà, qu'englobe le Coran, ou bien qu'englobe les 7 répétés, voilà, parmi les questions relatives à l'unitude, à la science de l'unitude, voilà. Voilà. Jappal lañu rek nga égal li téwo lañ ko dañ ma ñaan yow ba amen amen tabale war na ko xawar na ci avancé tout sax ci yenn ki c'est sur mec entretien non ci lu bari la wal kay paré mom xamna ay tom lay don ah est ce que bëgg ah kay baram mi amen amen amen yalla yow ba amen ñu da ma mëna tapi man voilà donc pour revenir donc le parce qu'il y a les 7 attributs divins ñi nga xamantene ñom ñoo englober toutes les autres attributs sept yoy da ngay gis ni yalla mom c'est à dire attribut divin la mais le prophète sallallahu alayhi wasallam les a incarnés de manière totale aussi mais en tant que lui-même nek ki nga xamantene mom moy le reflet de cette de cette fatiha c'est à dire que de ces sept répétés de cette glorification. Léngé mune yaani limi ci nama anna ne kat saba jurom ñaar al masani yeen baami huna fihi moy fatihatul kitab. Léngé moy fatihatul kitab. Wahiyete mom moy fi til kat hadrat ci hadra boba la to araf ken xamuko. Hein? Wala tudra. La to araf ken nanduko wala tudra te ken xamuko. Voilà donc ni connu dans cette présence mais ni là la toudra moi ni su ni connu deng inama la amades moy hi mom fi zalikal maqam ci bobu le maqam aynu ha jeex c'est l'essence c'est l'entité même du ha moy aynu ha yantabi sallallahu alayhi wasallam ha voilà moy deug ha huwiya fofu nak mom la jangé sabul masani motax mu nek secret bo xamantene bu maga mag la ba nga xamne manam mais bu yeme la mom moy secret wa habi mais moy secret ayin aussi c'est fofu le secret ay nek motax fatihatul kitab mom mo englobé mbolam xam xam yi toutes les sciences tout ni sort pour fatiha sans exception incarné par le prophète sallallahu alayhi wasallam yalla sallallahu alayhi wasallam incarné toutes les sciences tout mais et quand on dit tout mais c'est vraiment tout yep la yep ben dessus yalla sallallahu alayhi wasallam mo len incarné sallallahu alayhi wasallam et xam nga comme gissone nañ ko les sciences mohammedien ñom ñepp bo len boré mën nañ len né 111 la 111 en fait c'est 111 la ñoo xam tane benn bu ci nek dafa départager en 124000 sciences et que ces 124000 sciences bu dina dafa départager en 124000 sciences donc les sciences ñu bari c'est sont des sciences voilà donc 111 moy tronc bi voilà on 111 yoy science bu nek 124000 ben bo bu jene regal bi bu ci nek 124 nek 424000 voilà et que donc xam yoyu nga xamne mom moy al ulumul muhammadiyya dañ ko les sciences muhammadiyya donc c'est xam yoyu ken dajewule wala ken bamou dess سيد احمد تجار رضي الله عنه هم خام خام يي ني واخ علوم محمد يي است كو علوم الشريعه لين لا سي ولا اكار لا ديد لين لا سي لين لا سي علوم الشريعه يو بن بارتي لا سي مي ما است كو علوم الشريعه ييب داي دون بن خام خام كوم ني علم الشريعه wala bokom ben bu nek ci waaw dafa departager ci bir depart ci diw yi departager wu non on lu musharaye ben bu ci nek tamit xam la ay xam la te d'ailleurs wala musharaye en fait ni ñu nekké ni dafa am seen bir sax dañu departager won en réalité ulum musharaye haqiqatan ñom ñoo dajale yenen yi ci dess en réalité ñom ñoo dajale yenen yi ci dess mais sauf que dafa am zahir am batin dafa am lu feet am lu neppatu ci xam xamu sharia yi wala parfois nak yoy ci neppatu nak ñoy xoot yenn xoota yo xamantene ñoy laaj décortiquer ci biir motax ngay gis borom xam xam yu ñëk yi ba légui sax légui mi ngi am mais de plus en plus rare borom xam xam yu ñëk yi da ngay gis ci ñom ñu nekk ay borom xam xam deug yo xamantene dañuy dajale xam xam yu bare ñu gis ci sharia manam ñu xam ñu ñoo xam mais dañuy gis pour mën gën comprendre sharia bi da ngay gis ñu nek en même temps économiste nek même en même temps philosophe nek en même temps médecin nek en même temps géologue nek manam yeneen xam xam yu ngi gis né ñu dajalé né en même temps pourquoi parce que yoy pour mëna gën comprendre parce que en fait xam xam non la démé en fait c'est parce que aussi xam xam yépp ben point la comme ci dans la wax karam Allah wa xam xam yépp ben point la c'est que juhali wala jahili mo ignorant yi ñom ñoko def ay point yu bari yu wuté mais en réalité xam xam ben point kessé manam moy yépp ben rek la dañuy dañu lo fenn té moy xam yalla xam lu aju ci walu yalla ak lamu yello ak parce que lool la ak deug deug luy woné mom moy kan mbolam xam xam yépp lay tourner autour de lool xam xam yépp ci lool do nga lay wërwërlu lool la jangal deug qawluhu wax bi waxna bi sifatika ci say melo an nafsiyati gay ko djuk gay say ko djuk bop manam lool li ñox sifat nafsi moy les attributs naka sifatu nafsi voilà moy voilà moy yi nga xamantene intrinsèque voilà les attributs intrinsèques en lui en Allah voilà donc yoy le manam fok voilà manam moy yaani bi ngi mi ngi ci wax ne manam gis nga xolal mom moy jang c'est-à-dire que mo incarné djuroom ñe manam suratul fatiha ci hadara bobu hein bi nga xamantene kenn xamuko parce que mi ngi ci ha gog mais daf ko dajalé mais ak naka la ko doon jangé néna mi ngi koy jang bi sifati ka ci say melo an nafsiyati yey ko du say ko du bop yow yalla donc nonou yaani manam mi ngi ci nam annahu nek bom kat yenenbi sallalahu alayhi wasallam muttasifun aji melo wala biha ci yoyu melo manam melo yalla xina izin jamono jojja wala yatasifu te du melo wo biha ci melo yalla yoyu yep ghayru kenen kudul mom illa lul khalifatu khalifam al akbar bi gëna man ko wa sifat melo an nafsiyati ko manam yalla ci bopam hi ñom ñe as-sab'ul masani ñoy jurom ñaar nga xamne mom lañuy baam no as-sab'ul maani bok moy maana jurom ñaar maana man ma as-sifatul maani moy jurom ñaar nga xamantene moy jurom ñaar melo yoy nga xamantene jurom ñaar maana yu maani waye te mom moy al qudratu katan wal iradatu ak nam nam wala ilmu ak xam xam wal hayat ak dundu was samu ak deg deg ak deg wal basaru ak gis wal kalam ak kaddu yi ñu jurom ñaar donc yalla borom subhanahu wa ta'ala dafa am donc jurom ñaar melo yo xamantene ñom ñoo englobé comme ni ko waxe ñoo dajalé yeneen mbolé melo yalla katam moy la puissance wal iradatu moy nam nam moy la volonté wal ilmu xam xam moy la science wal hayat dund moy la vie wa sam deg deg moy lui wal basaru moy gis gis moy gis ak moy la vue wal kalam moy kaddu moy la parole yi ñoy jurum ñaar yi nga xamne ño dajana mbolé melo yi borom subhanahu wa ta'ala buñu xolé katan katanu yalla min koy xamé al qudra moy la puissance moy buñu gisé aduna bi ni mu rew ak ni mu taxawé ak ni yalla bindi man mindi fi niñu mel dañu xamné li kat carte nako defal c'est à dire que sudul won ab carton du meuna deme ni du mel ni bi ci dess moy al iradatu moy nam nam moy le fait que affaire bi existé wul won ñu jek jek gis ko mu existé ci lañuy xamé né il y a une volonté bo xamantene mom motax mu jogé ci inexistence ñu ci existence non li ngul ko yengal ko upp ah jeexna yo mokal nga li lu ko yengal ko upp do lek donc dajale na qudra katan gi dajale na nam nam gi deug legui mu am al ilm moy la science moy xam xam moy ne buñu gisé aduna bi ni mu démé ni dañ xamné li ku amul xam xam mënu ko défar parce que ku amul xam xam mën na défar dara mais lu ordonné du am tamit ay principe du am ay loi yu koy régir du am voilà tu vois. Alors que vous faites internet comme fi yalla ni mu bindé aduna bi da ngay gis né li kat xam xamako dafa katal ak nam nam ni xam xam surtout aussi mi ngi ci do rek légui mu am at mu dess al hayat al hayat xam nga il faut que ñu déggo d'abord ci ciossano wax ci avant dal moy né dañu dépasser cadre né ndax yalla boko défar wala dit dañu dépasser won ci cadre bobu lutax parce que lolu gisul nañ ko ci bañuy wax ci la yëngu lu nel ko yëngal ak upp doole ak wala nga né nam nefa lolu paré won nañ ci mais xam nañ ni yalla moko defa donc cadre bob génn nañ ci mais ñun cadre bi ñu nek mom moy attribut yi lan moy prouver sen existence ginnaw bañ xam né yalla mo def aduna bi légui lan moy wané ni lan moy prouver existence attribut yi ci yalla lan moy prouver existence attribut yi lolu fofu lañ toll donc motax wax lañ katta wax nam nam wax xam xam Allah legui mu dess ak dundu al hayat dundu gi tamit dundu gi tamit xam nañ ko ne yalla day dundu parce que likoy prouver tamit fi simple moy ne xam nañu ne comme bir mi dafa laaj ko am xam xam te dafa laaj ko am katan ak nam nam buy tax parce que katanu kesse taxul dara xew hein il faut une volonté aussi de faire effectivement après mu laisse xam xam bi koy defar te gis nañ ni li ni mu melni li xam xamako defar da ngay gis sax buñu gisé ku am lu mu défar lu bokku ci nature bi manam lu ko nuru nga gis ku ko défar da ngay gis ñi ci dess commencé yému ci wadi ana naka la def ba défar lu melni donc parce que dafa am xam xam xel mu reuy la ni wax kon xam xam bobu mom dafa simple dañ xam né yalla dafa am xam xam maintenant mu dess dundu gi nan lañ koy prouver dundu gi niñ koy prouver moy le fait que mo am xam xam ba pare am katan ak nam nam moy wone ni day dundu parce que yi mu ñu dajé ci nit ci lu dundu yi mu ñu nekk ci lu dundu lool d'ailleurs motax ñu wax ne dundu sax moy melo moy ndayu melo yi al hayat moy ndayu melo yi lool gisoon nañ ko biñuy wax ci turu yalla bu mag bi dañu wax al hayyul qayyum al hayyul qayyum ni wax ne mom moy ismu bu mag bi ana ak lan moko waral wax de ne al hayyu parce que mom mom dajale tour yi nga xamne ay melo la parce que melo yalla yi parce que melo al hayat dundu mom moy melo legui parce que tay bu fekkon tene meun nañ ne non mais yépp meun nañu am mais indépendant et que dundu newu booba tontu bi mom moy dañ nan la man tane lutax parce que su doon lolou man nané tay buma né la li télé bi kiko défar bimu koy défar dundul télé bi kiko défar bimu koy défar dundul ngén ma si mi ngi dundul man la ya dang ka gis parce que dang ko féké bimu koy défar kiko défar dundul amna carton amna nam nam volonté bi tax mu défar ko xamna lim doon def mais dundul ngén ma mais si munul na man la hey mu ngi do dundul pourtant ñun ñi ñep kenn du douté ci né koku mi ngi doon dundul da suñ doon douté ci lu mel nonu buñu gisé ben way muy dox sax dinañ mëna douté est ce mi ngi dundul wala dé parce que il est en train de faire une chose. Il est en train de faire des actes, de réaliser des choses à travers une science, une volonté et une force ou puissance bien déterminée. Moi, je l'ai fait, mais pourtant, nous doutons. Est-ce que nous devons être lol? Ce qui veut dire que si vous avez vu bien, vous devez être là. Vous devez voir qui est là. C'est sûr. Vous voyez comment vous faites. Vous devez comment vous faites. Quel ami qui est là? Même bu dé gisumako munuma douté ci né mi ngi don dundou lutax lan motax ma douté wuma ci parce que bu fekkenté né do dundou do mëna am xam xam do mëna am carton ak nam nam pour mëna défar affaire bi donc yalla tamit bi ñu xamé carton ak nam nam mo xam xam mo mënuñu douté ci né mi ngi dundou dang leg mu def asam awal basar wala fi bi ñu gëna compliqué en fait yi mu vraiment dañu gëna compliqué même ci mutakallimuna yi sax bi yi ni dañu voilà mais biñu xamé lool mais yi yalla mom ci bopam mo ñu wax ni day dégg té day gis et que suñu xel nangul nako suñu xel nanguna lay di dig di gis parce que lan ay melo la yo xamne melo mat la te dig ak gis dañu indépendant ak xam xam dañu indépendant ak xam xam xam xam manam dig ak gis ay moyens la manam ay mbir la yo xamantene xam xam da leen di jëfëndiko c'est-à-dire buma gisé dara day tax ma xam ko ma xam ni li existé na parce que dama ka gis buma déggé dara day tax ma xam luma dégg lan la parce que manam dama ka dégg kon xam xam daf leen di jëfëndiko ñom ñaar dañuy joxe xam xam mais du ñom ñoy jëmmé xam xam amna différence bu baax entre ma gis dara ak ma xam ko amna différence entre ma dégg dara ak ma xam ko amna différence dé voilà voilà mais dara day joxe xam xam degg dara tam day joxe xam xam voilà la fim tolu li may wax ni dang koy degg après nga commencé am xam xam wala voilà leele tam nga gis dara tax nga xamé ci dara yow parce que dang ko gis nga xamé ci dara denga kanta kaddu bi yakana lu waxon nañ ko nekkon ci won nañ ko gisson nañ ko ci la aju ci kaddu bi mais même deg parce que deg ak gis gi tamit ñun lutax suñu suñu xel diko nangu moy dañu gis ne ci ñun minde fi ñi deg ak di gis ñom xam nañ ni amna luñu ëppalé ñi dul dégg duñu gis té comme yalla mom dafa mat motax ñun ñuy nangu né yalla day dégg day gis et que su dul won dégg du gis ay mbir mën nako rëcc ay mbir yu bari day xew té du ko xam parce que du ko gis wala du ko dégg té comme lolu melok matandi la té li nga xamantene mom moy liñu wara xam manam connaissance de base la lu basique la moy na yalla mom dafa nak dafa parfait donc dañu mëna xam né day dégg day gis donc yoy tamit yoy yépp xat raisonnement légui al kalam moy kaddu kaddu tamit non la parce que xam nga d'ailleurs koodul wax xam nañ ni lool ak wañéku la amul kaddu koku wañéku la handicap wala handicap la mo ko té kaddu dafa am ki bu ci nek sa dire que kaddu dafa lekkelo xam xam kaddu dafa lekkelo xam xam mbolam kaddu yalla yi nak ñi ngi dajalo ci fatiha lolo tax ala yent bi waxon sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nek sahih ci sahih wa bukhari ak muslim rahmatullahi alayhi ma moy hadith sayyidina ubay ibn ka'b bi radiyallahu anhu nako dama lay jangal sar bo xamantene musse futa wacc ci tawrat wala fi injil wala fi zabur mislahu bala ngay genn ci jakk ji legui ñu ko koy jangal daf ni ko daf ko wax manam mu ne ko boy jull lo xamna alhamdullilah mu ne ko wala mu ne fo bil ladhi nafsi bi yadihi fa innahu ma unzila fi tawrat wala fi injil wala fi zabur ولا في الفرقان مثله وانه لسبع المثاني والقران العظيم الذي اعطيته واتنا شي كيغا خامتاني سما بكان ميغي شي لوخو صلى الله عليه وسلم موسوني واتي شي تورات دوتي انجيل دوتي زبور دوتي القران دي صار بو ملني سوره الفاتحه تي موم سك نيكوتي موي السبع المثاني جوروم نياري ني بام موي لا سيت ريبيتي يي ندون واخ سانك اك القران بو ماك بيغا خامتاني موم لا نيما جخ مي سور الفاتحه تي موم لا ينتي صلى الله عليه وسلم انكارني موتاخ فاتحه ان رياليتي موم موي ادونا بي motax fatihatul kitab al kitab tere bobu al qur'an moy tere moy fatiha mom tamit mom moy xam xam yep c'est comme si ben tere la mais moy fatiha te moy incarnation yenente bi sallalahu alayhi wasallam ci hadratu ha bobu sallallahu alayhi wasallam a haqqat al ahmadiyya fim nekati nonu nek aynu ha ci hadara bob nga xam tane ken du ko xam ken wala mom la nga xamne mbolam xam xam yi existé ak aduna bi yep manam ñi ngi balé génné ci fatiha c'est pas pour rien que boy julli fokh nga répéter ko nga jang ko ah fokh nga jang ko wax nañ julli relation bi mu am ak haqqatul ahmadiyya te yaatalon nañ ko alhamdullilah ci biñ ci tolle ci charte alhamdullilah voilà yenante bi sallallahu alayhi wasallam a travers djuroom ñaari meloy borom bi subhanahu wa ta'ala yoy nga xamantene day tektale mbolam meloy manam parce que mbolam meloy yalla yi dañ dugg ci djuroom ñaari comme ni mbolam tour yi duggé ci al asmaul husna 99 mbolam meloy borom subhanahu wa ta'ala dañu dugg ci djuroom ñaari yoy yep yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dalen incarner ci anam gëm gëna maté parce que dafa incarner al fatiha aussi moy sabal masane lolu tax borom xoxami rahmatullahi alayhi ci seen wouté bobu ñuy wouté ndax suratul fatiha dafa waccion makkah wala medina et cetera ci xamnañ ni suratul hijr mi ngi wacc fa makkah te fofu la ay bobu nek wala kat a'tainaka sab'al mathani wal qur'an al adhim dox nañ le sept djuroom ñaar yi yoyu ñu baamu ak al qur'an bu makki te yep yeenati bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi mune moy fatiha and ak lool yep borom xoxum yi rahmatullahi alayhi wute ci mais en réalité jox bimu ko ko jox du won rek jox bi ni ñuy wax ñun mais le fait que momu incarné won ko ci khabar bi en tant que haqqatul ahmadiyya te juroom ñaari meloy borom bi yépp par juroom ñaar yoyu à travers juroom ñaari meloy yoyu yenté bi sallallahu alayhi wasallam incarné le motax yenté bi sallallahu alayhi wasallam dundum amul fu mu tambalé amul fu mu yam comme yalla yenente bi sallalahu alayhi wasallam nan ci haqa hadra bi lay wax hadrat ha hadrat tams wal ama bi nga xamne fofu mom mo fa nek aynu ha'il huwiya ama yalla di créer mbiri lol la fofu lañuy waxe yenente bi sallalahu alayhi wasallam gis gisam amul fu mu tambale amul fu mu yom motax aya bi wax subhanallahi asra bi abdi laylan min al masjid haram ila al masjid aqsa alladhi barakna hawlahu da la xam in li nuriyahu min ayatina da ci tek ni innahu huwa as-sami'ul basir aya bo borom xoxami rahmatullahi alayhim mufassiruna yi daf ci am parti ci mufassiruna yi dañu wuté ci damir gog ci kan lay delu manam bi wax na innahu li wer bur moy mom huwa mom moy as-sami'u kay aji gis de ci deug deug al-basir moy no aji deug de ci deug deug al-basir moy aji gis ga ci deug deug manam ne mo mi ngi gis lepp fepp sa sunu ak mi ngi deg lepp fepp sa sunu lolou borom xam xam rahmatullah dañu wouté ci wax ci kan lay delu mais buñ xolé règle grammaticale yi dañuy jappalé ñi wax né ci biir borom xam yi té nekkunu ñu neew ci mufassiruna yi que ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax ñu wax ndax règle grammaticale bi ndax damir ak damir ya'udu ila aqrabil mazkur yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy manam damir moy pronom personnel day delu tout temps ci ki ñu mujjé ki gëna jégé ci kiñ tuddoon té kiñ gëna jégé ci kiñ tuddoon moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ce qui fait que lool day tektale ci anam gu leer kene yenenbi sallalahu alayhi wasallam naka jek mi ngi jakkalu lepp di gis lepp di xam lepp mi ngi dundu am ñun nek ak ñun ba pare nek ci suñu biir yenenbi alquran bi bo gisee ni mi waxe dang koy gis da koy junj yalla wa lamu anna fikum rasulullah xam leen ni ci seen biir yenenbi yalla da mi ngi ci biir sallalahu alayhi wasallam laqad ja'akum rasulun ba pare dal ni min anfusikum yenent wallahi giñ na ni dik ne le mom mi nga xamne ci yeen la jugge yenent bi nek ci seen biir jugge ci yeen kokku la sallalahu alayhi wasallam en realité sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam dans sa réalité muhammadan est en nous vient de nous voilà et parmi nous à tout instant et à tout moment. Sallallahu alayhi wa sallam. Motax il faut ngeen xam ko. Wa'lamu anna fikum rasulallah. Xam leen ni l'envoyé d'Allah. Yenente Yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci seen biir. Té mi ngi dégg lépp, mi ngi gis lépp. Dara umpu ko. انه هو السميع البصير الحمد لله sallallahu alayhi wasallam di sa mi ngi dundu ak ñom sallallahu alayhi wasallam ak kaddu gi aussi lepp dako incarné manam kon sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam donc dafa incarné meloy borom bi subhanahu wa ta'ala yépp ci anam gëmu gëna mat motax ngi gis muy wax à travers kuko neex ci mindi fi di def à travers kuko neex ak luko neex di régénérer wu ci bir nit ni et cetera sallallahu alayhi wasallam wa khamna ñu ñom bu jotta bi ñu yeggale ci buntu bi inshallah wallahu ta'ala alam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin